Hey, la mouche! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Crabman? Chut! Viens ici! D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Crabman? Hey, regarde Roger là-bas. Tu trouves pas qu'il a l'air un peu bizarre? On dirait que son écran est un petit peu plus pâle que d'habitude. Hein? Hein? Ah ben, t'as raison. C'est bizarre. Je pense qu'on devrait aller voir s'il va bien. D'accord, allons-y. Salut Roger. Ah, salut les amis. Est-ce que ça va, Roger? Pas mal. T'as pas bien l'air dans ton assiette. Bof. Vous savez, c'est un peu déprimant d'être un ordinateur. Voyons, qu'est-ce que tu dis là, Roger? Ouais, pourquoi tu dis ça? Bien, par exemple, j'aimerais ça moi aussi, de temps en temps, ressentir de l'émotion. Mais je ne peux pas, car je suis un ordinateur. Alors, ça me rend un peu triste. Ah, oh, fais-toi-en pas pour ça, Roger. Tu sais bien, il y a beaucoup d'êtres humains aussi qui ressentent pas beaucoup d'émotions. Chez les mouches aussi, ça arrive souvent, qu'il y en a qui ressentent pas d'émotion. J'ai composé un poème cet après-midi. Ah ouais? Ah ben, c'est le fun. Ça ressemble à quoi? Vraiment? Vous voulez l'entendre? Ah ben oui, c'est sûr qu'on veut l'entendre. Ben oui, Naturellement. la question se pose même pas. D'accord, mais ce n'est pas très joyeux. Ah, c'est pas grave, on aime ça pleurer, on aime ça pleurer. J'ai aussi de la musique qui accompagne mon poème. Ah, super, super, Oh yeah, la cool. musique. Oh oui. D'accord, j'y vais. Des fois, je cherche la lumière. Des fois, je cherche l'espoir. Des fois, je cherche le chemin pour me rendre au petit matin. Des fois, je voudrais bien devenir un être humain avec un cœur dans ma poitrine et sentir l'odeur de la poutine. Car la vie est pleine de malheurs pour nous, les ordinateurs. On obéit aux humains sans plus ni moins et on fait semblant de connaître des moments de bonheur. Des fois, je suis triste. Moi aussi. Bravo, bravo Roger. C'est émouvant.